بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطء أو غيره أو بالتقاء الخاتنين أو الختانين أو بالتقاء الختانين. Donc il dit le Cheikh Saadi rahimahullah ta'ala, il est obligatoire de faire le lavage, le grand lavage, le ghusl, lors de al-janaba, lors de l'annulation, ou plutôt al-janaba. Il explique ensuite, il dit, lorsque descend le sperme, on va le dire clairement, avec un rapport ou autre, ou lors de la rencontre des deux khitan en français, les deux circoncis. Ensuite il dit wa khuruj damul hayd, ou lors des menstrues, wa nifas, les lochis, wa maut ghayr ash-shahid, et la mort d'un autre qu'un martyr, wa islamul kafir, et l'islam d'un mécréant. Donc on va, inshallah ta'ala, expliquer en gros tout ce que cela veut dire. Donc awalan, il dit l'auteur rahimahullah ta'ala, wa yajibul ghusl. Donc il est obligatoire de faire les grandes ablutions. Wal ghusl huwa ta'mim al badan bil ma. Huwa ta'mim al badan bil ma. C'est-à-dire, le ghusl, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est le fait de mettre de l'eau sur tout le corps. C'est le fait de mettre de l'eau sur tout le corps. واختلف العلماء في قضية الدلك. في قضية الدلك. Est-ce que nous devons frotter ou nous ne devons pas frotter lors de l'ablution majeure? Ou est-ce qu'il suffit de... Mathalan, celui qui a de l'argent, mashallah, il remplit la baignoire et il plonge dedans. Est-ce que ça suffit? Donc, اختلف العلماء في مسألة الدلك, sur le fait de frotter à la قولين. Et il y a deux avis. Un avis qui rend obligatoire الدلك, qui rend obligatoire الدلك, le fait de frotter lorsque nous faisons, que ce soit les ablutions majeures ou mineures. Et l'autre avis, donc le premier avis qui est l'avis de Al-Malikiya en général, des Malikites, et le deuxième avis qui considère le fait de frotter comme n'étant pas une obligation. C'est-à-dire que si la personne, il est en état d'impureté majeure et qu'il met l'intention de le ghusl et qu'il plonge dans l'eau et qu'il sort, eh bien il est pur. Et ceci est l'avis de la majorité, le deuxième, où il n'y a pas besoin de frotter, d'elk. Donc quelle est la preuve de Al-Malikiya? Al-Malikiya, ils ont dit, ils ont pris comme preuve wa in kuntum junuban fattaharu. Fattaharu fihi mubalagha fi at-tathhir. C'est-à-dire qu'il y a un excès dans la purification. Donc ils ont considéré qu'il fallait bien frotter. En ce qui concerne la majorité, ils ont considéré qu'il n'y avait pas une preuve qui était claire, qui stipulait que la personne devait frotter pour que ses ablutions soient bonnes. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a, dans multiples fois, il a fait les ablutions, il a fait le ghusl, et il ne mentionne pas le fait de frotter. Comme notamment dans le hadith, ou le hadith de Aïcha, où il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le ghusl, et qu'il a mis de l'eau sur tout son corps, sans préciser qu'il avait frotté, alayhi salatu wassalam. Donc l'avis le plus prépondérant, c'est de dire qu'il n'est pas obligatoire de frotter lorsqu'on fait les ablutions ou lorsqu'on fait al-ghusl. Fa'idha ammama jasadahu bilma sah al-ghusl. Celui qui a pris la pomme là et qui a mis de l'eau sur tout son corps, خلاص, son rousse, il est bon, il n'a pas besoin de frotter. Donc il dit wayajibul ghusl. Donc le ghusl, c'est le fait de mettre de l'eau sur tout le corps. Et on n'est pas obligé de frotter. Il dit, l'auteur maintenant, il faut bien comprendre que là, il dit yajibul ghusl min, c'est-à-dire qu'il rend obligatoire les ablutions sur tout ce qui va être cité. Tout ce qui va être cité maintenant, eh bien l'auteur considère que les ablutions sont obligatoires. Il dit min al-janabati wa hiya. Donc il dit al-janaba et il l'explique ensuite. Il dit c'est le fait que le sperme il sorte soit par un rapport ou autre. Donc il faut savoir que le janaba awalan fi al-lughati hiya al-ib'ad. Al-janaba hiya bima'na al-ib'ad. قال تعالى فبصرت به عن جنب بصرت به عن جنب أي عن بعد بصرت به عن جنب عن بعد لذلك الجنابة هي الإبعاد أما في الشرع فقد عرفها السعدي رحمه الله الشيخ وهي إنزال المني بوط أو غيره. C'est-à-dire que c'est le fait qu'il a du sperme qui sort, que ce soit par rapport ou autre. Donc il y a le consensus que déjà qu'il faut faire le ghusl obligatoire pour le janaba. Ceci est rapporté dans le Coran ou le Sunna ou l'Ijma. Dans le Coran, Allah Azza wa Jalla il a dit wa in kuntum junuban فَالطَّهَارُ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُوبًا فَالطَّهَارُ. Il est rapporté dans les deux recueils authentiques que Salama a dit que Sulaym قالت يا رسول الله, c'est-à-dire Sulaym est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis elle lui a dit إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ, Allah n'a pas honte de la vérité. فهل على المرأة من غسل إن هي احتلمت؟ Elle dit, est-ce que la femme doit faire le lavage, le majeur, si elle a eu un rêve? قال نعم إذا رأت الماء. Il a dit oui si elle voit que de l'eau est sortie d'elle. واحتلمت هو من الاحتلام. الاحتلام, c'est le fait de voir dans son rêve que la personne a un rapport et que on suit cela le fait que la personne il y ait de l'eau qui sort de lui. استدلوا ايضا بالحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين انما الماء من الماء. L'eau elle est de l'eau, c'est-à-dire si tu as de l'eau qui sort, eh bien tu dois te laver. Et ceci est une deux preuves de sunna. أما الإجماع قال النووي رحمه الله أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني. Donc il dit النووي, il y a le consensus des musulmans sur l'obligation de faire le lavage pour l'homme et la femme s'il y a sorti du sperme. Donc inshallah ta'ala, il n'y a pas de honte. Yani quand on parle de ça, il n'y a pas de honte à avoir. Comme la femme Sulaym a dit, Inna Allah la yastahi min al-haq. Fahadi umurun shar'iyya la budda min bayaniha. Ce sont des choses qui sont en relation avec la pratique religieuse et nous devons de les expliquer, de les montrer. Donc l'auteur l'a dit, c'est le fait que le sperme il sort soit par le rapport ou autre. Quand il dit autre, par exemple, nous rentrons dans autre, al-ihtilam, le fait que la personne elle rêve. Vous comprenez? Lorsque la personne elle rêve et que le matin elle se réveille et il trouve que c'est mouillé, eh bien, ceci rentre fi kalam shir, lorsqu'il dit autre. Donc il dit inzal ul-mani biwat aw ghayrihi. Donc lorsqu'il y a un rapport et qu'il y a sortie d'eau, eh bien, il doit faire le lavage obligatoirement. Même lorsque la personne n'a pas de rapport et qu'elle dort maintenant, la personne elle dort, elle se réveille, que ce soit un homme ou une femme, eh bien elle doit faire obligatoirement quoi ? Le lavage rituel. Quelqu'un va me dire, maintenant la personne il dort le soir, il se réveille et maintenant il a sué, c'est possible. Et il sent que c'est humide, mais il ne sait pas c'est quoi. Donc il faut savoir que la personne, il ne peut pas sortir de trois cas. Le premier cas, c'est qu'il est sûr que c'est du sperme. Dans ce cas-là, il y a djibul rousl. Il se lève, il voit, il est sûr. Il y a djib alayhi rousl. Deuxième cas, c'est qu'il est sûr que ce n'en est pas. Dans ce cas-là, là, il y a djibul rousl. Il ne fait pas le rousl. Troisième cas, c'est qu'il doute. Donc, dans le cas du doute, qu'est-ce qui se passe ? Nous revenons à la base qui est Al-Aslu Annahu Tahir. La base, c'est qu'il est pur, qu'il est propre. Donc, il ne fait pas le rousl. Donc, là, le cas ne sort pas de ces trois cas-là que nous venons de citer. Thumma qal أو بالتقاء الختانين ou lorsque se rencontrent les deux circoncis, c'est-à-dire le sexe de l'homme et le sexe de la femme, lorsqu'ils se rencontrent, la différence entre la rencontre des deux parties de l'homme et de la femme et du rapport, c'est que le rapport, il y a les deux, un des sexes rentre dans l'autre. Mais dans le iltiqa, c'est que les deux ne rentrent pas, l'un ne rentre pas dans l'autre, juste ils se touchent. Vous comprenez ? Et ceci est différent du premier, dans l'image. Et les savants, ils ont considéré que il y a une divergence sur le fait que la personne doit faire ses ablutions majeures, je parle du rousl, lorsqu'il y a rencontre des deux sexes. Donc, certains ont considéré, et c'est un groupe de compagnons, qu'il fallait refaire les grandes ablutions, même s'il n'y avait pas sorti de sperme, et certains, et notamment Uthman et Ali, ils ont considéré que les ablutions ne devaient pas être faites. Je parle des ablutions majeures. Tant qu'il n'y est pas sorti. Vous comprenez ? Donc, il y a deux avis. Un avis qui dit, c'est un groupe de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que s'il y a rencontre des deux sexes, même s'il n'y a pas de sperme qui est sorti, rien, ni de la femme ni de l'homme, eh bien qu'ils doivent refaire les ablutions majeures, les deux. D'autres, ils disent que s'il y a eu rencontre et qu'il n'y a rien qui est sorti, qu'ils ne doivent pas refaire les ablutions. C'est l'avis de Uthman et Ali et de Daoud al-Zahiri, entre autres. Et l'autre avis, c'est l'avis de la majorité et d'un groupe de compagnons. Quelle est la preuve des gens qui ont pris le premier avis, c'est-à-dire qu'ils devaient refaire les ablutions? Ils ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, le hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari qui est rapporté par Muslim, il dit إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَابِهَا الْأَرْبَعَ وَمَسَّ الْخِتَانَ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلَ مَسَّ. Il dit lorsque la personne, il est avec sa femme, يعني, et que les deux sexes se touchent, eh bien, wajab al-rusl, ils doivent absolument faire les grandes ablutions. Deuxième chose, ceux qui ont considéré qu'ils ne devaient pas refaire les grandes ablutions, ils ont pris le hadith que nous avons cité précédemment, qui est rapporté dans les deux recueils authentiques. Innama al-ma'u min al-ma. Ils ont dit, tant qu'il n'y a pas d'eau, eh bien, il n'y a pas de rusl. Vous comprenez ? Donc, qu'est-ce que nous disons? Que là, beaucoup de savants ont considéré que ce hadith-là, là, que je vous ai cité en premier, de Abu Moussa al-Ash'ari, « Ida massa al-khitan ou al-khitan wajab al-ghusl » si la partie a touché l'autre partie, eh bien, il est obligatoire de refaire les ablutions, a abrogé le hadith du deuxième avis. Donc, nous disons que si les deux parties se rencontrent, se touchent, eh bien, il faut absolument refaire les grandes ablutions. Si les deux parties se touchent, il faut refaire les grandes ablutions. Et ceci, wujuban, obligatoirement. Donc, il y a une chose que j'ai oublié de vous citer, et c'est par rapport à l'mani, c'est-à-dire par rapport au sperme. Il faut savoir qu'il y a trois catégories de liquides gluants, on va dire ça comme ça, qui sortent du sexe de l'homme ou de la femme, qui sont al-madhi, al-mani, wal-madhi, wal-wadi, qui sont trois liquides différents, et que le mani est le seul où il y a obligation de refaire les grandes ablutions. En ce qui concerne al-madhi, wal-wadi, eh bien il suffit simplement de refaire les ablutions, et non pas le rousse. Et al-mani, c'est-à-dire le sperme, il a plusieurs awsaf. Notamment, qu'il est épais, qu'il est blanc, et qu'il sort avec éjaculation, et qui est suivi par la fatigue. Trois choses. Il est épais, blanc, il sort avec éjaculation et il est suivi par la fatigue. En ce qui concerne le madhi, ce liquide qui est transparent, qui est gluant aussi, qui sort aussi avec envie, shahwa, les deux, que ce soit le mani ou le madhi, mais celui-là ne sort pas avec éjaculation. Et il n'est pas suivi par la fatigue. Et la personne, des fois, ne s'en rend même pas compte. Même pas compte. Taïb. Al-Wadi, qui est le troisième liquide, eh bien, il sort généralement après l'urine. Les savants de la jurisprudence, ils disent que ce liquide-là sort généralement après l'urine. Même sans envie, sans rien du tout. Vous comprenez ? Donc il dit l'auteur ensuite, et ce qu'il faut comprendre mes frères, c'est que ce qui sort de l'homme ne peut être que de trois catégories. Soit c'est quelque chose de pur, et ceci avec le consensus, soit c'est quelque chose d'impur avec le consensus, soit c'est quelque chose où il y a divergence. Et notamment le mani, qui est quelque chose de pur à l'al-qawl al-rajih. Mais il y a une divergence. Wa khuruj damul hayd wa nifas. Donc les menstrues et les lochies, nous allons les mettre dans le même sac. Et ceci est le troisième chose qui sort, qui annule les grandes ablutions et dont il y a obligation de faire les grandes ablutions. Et ceci avec le consensus. C'est-à-dire la personne, la femme qui a ses menstrues, c'est-à-dire qui a le sang qui va sortir d'elle une fois par mois, environ quelques jours, et yani 6 jours ou 7 jours au maximum, eh bien cette femme-là doit faire ses ablutions une fois que le sang a arrêté de couler. Amma an-nifas, c'est-à-dire les lochies, c'est le sang qui sort après l'accouchement. Une fois que la personne, la femme a accouché, eh bien il y a du sang qui sort une certaine période. Et celui-là, il s'appelle nifas, les louchis. Eh bien celui-là, le même jugement que le hayd. Il annule les grandes ablutions. Et lorsqu'il s'arrête, ce sang-là, eh bien la femme doit faire les grandes ablutions. قال الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى تطهرن. Donc il dit, Allah Azza wa Jalla, il te demande sur les menstrues. Dis, c'est quelque chose de mal. Ne les approchez pas jusqu'à ce qu'elles se purifient. Donc là, il est clair que la femme doit se purifier et que les menstrues annulent les grandes ablutions. Il y a aussi le hadith de Fatima bint Hubaysh qui a dit, lorsque viennent les menstrues, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque viennent les menstrues, délaisse la prière. Et lorsqu'elles partent, lave-toi, fais les grandes ablutions et fais la prière. Et le hadith est rapporté par le Bukhari au Muslim. Donc, la femme doit, lorsqu'elle a les menstrues, et nous reviendrons en détail sur la porte des menstrues, puisqu'il y a une porte, et bien faire les grandes ablutions lorsque le sang arrête de couler, que ce soit les menstrues ou bien les lochis, un nifas. Il y a une différence entre le haïd ou un nifas ou l'istihada. Il y a une différence entre les menstrues et les lochis et le sang qui n'est ni menstrue ni lochis qui sort de la femme de temps en temps et que ce sang-là, la femme doit faire sa prière. Ensuite, il dit l'auteur, wa maut ghayr ash-shahid, et la mort de celui qui n'est pas martyr. C'est-à-dire, lorsqu'un musulman meurt, eh bien, nous devons nous laver. Et ceci est une obligation pour les musulmans. Fa ghusl al-mayyit min al-muslimin fard 'ala al-kifaya. C'est une obligation sur tous les musulmans. Et s'il y a une partie des musulmans qui le lavent, eh bien l'obligation est levée sur les autres. Il est rapporté dans les deux recueils authentiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Rassilou bima'in wasid ». La personne qui était au pèlerinage avec le prophète qui est tombée de sa monture ou que sa bête lui avait mis un coup et qui est mort, le prophète a ordonné aux musulmans de le laver et de lui faire le lavage rituel qui est le lavage qui précède la prière funèbre et l'enterrement. وظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا فرق بين الصغير والكبير. Lorsque le prophète a dit غسلوه بماء وسدر. Il y a une preuve là-dedans dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'y a pas de différence entre le petit et le grand. Amma saqtu, c'est-à-dire la fausse couche là, ou l'enfant qui tombe de la femme et qui n'a pas atteint ou qui n'a pas ou l'âme n'a pas été insufflée où l'âme n'a pas été insufflée, eh bien celui-là, il ne doit pas être lavé. Celui-là ne doit pas être lavé, car ce n'est pas un être humain. C'est un bout de chair. Vous comprenez? Donc tant qu'il n'y a pas eu l'âme dans l'enfant, c'est-à-dire au quatrième mois, eh bien s'il tombe, eh bien les musulmans ne doivent pas le laver. Et ne doivent pas le laver et ne doivent pas faire la prière sur lui. Ensuite, il dit la mort de celui qui n'est pas un martyr. Cela nous prouve que le martyr, il n'est pas lavé. Le martyr, celui qui meurt dans la bataille, dans le djihad fi sabilillah, dans le combat au service d'Allah, celui-là ne doit pas être lavé. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit enterrez-les dans leur sang et ne les lavez pas. Comme ça a été rapporté par le Bukhari. Et nous précisons que c'est Shahid ul-Ma'raka. C'est le martyr de la bataille. et non pas les autres sortes de martyrs. Comme vous le savez, il y a plusieurs sortes de martyrs, comme celui qui est mort en noyé, ou celui que sa maison est tombée sur lui, etc. Le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite plusieurs catégories de martyrs. Ceux-là doivent être lavés et nous devons prier sur eux et les enterrer. Quant au martyr de la bataille, lui, il est enterré sans lavage, sans kafan, sans linceul et sans directement. Donc il dit ensuite, Al-Sheikh Rahimahullah, wa Islam al-Kafir, et le fait qu'un musulman rentre, le fait qu'un mécréant rentre dans l'islam. Et nous avions expliqué, walillahi alhamd, dans l'explication de Nawaqid al-Islam, متى يحكم على الكافر بأنه مسلم؟ À quel moment nous considérons un mécréant comme étant un musulman? Donc la personne, il doit revenir là-dessus. Donc قال وإسلام الكافر, c'est-à-dire que le mécréant rentre dans l'islam. والكافر هنا يشمل الكافر الأصلي والمرتد. Donc ceci, la parole du Cheikh implique la généralité, car il ne précise pas si c'est un musulman, si c'est un mécréant qui a apostasié et qui est revenu à l'islam, ou si c'est un mécréant qui a toujours été mécréant. En ce qui concerne la preuve de ceci, c'est le hadith d'Ibn Asim, où il dit qu'il est rentré dans l'islam. أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. والحديث رواه أبو داود. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم lui a ordonné quoi? De se laver avec de l'eau et du cidre, que nous dirions à notre époque c'est du savon. Il y a une autre preuve, c'est l'histoire de Thamama. Quand il est rentré dans l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné aussi de se laver. Et ceci est rapporté par Abu Daoud. Donc il faut savoir qu'il y a une divergence entre les savants sur l'obligation ou non de se laver lorsque nous rentrons dans l'islam. Et la majorité des savants considèrent que ce n'est pas une obligation de se laver lorsqu'une personne rentre dans l'islam. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, il considère que c'est une obligation pour les preuves que j'ai citées précédemment. Mais le plus authentique, wallahu a'lam, c'est que celui qui rentre dans l'islam, eh bien, il n'est pas obligatoire pour lui de faire un grand lavage. Cela pour plusieurs raisons. La première, c'est que beaucoup de gens sont rentrés dans l'islam au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam par dizaines. Mais rien n'est rapporté sur le fait que le prophète ordonnait systématiquement à ceux-là de se laver. Puis, lorsque Mu'ad ibn Jabal a été envoyé au Yémen pour rappeler un peuple qui est chrétien, le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il lui a ordonné de les appeler à Tawhid, il leur a dit s'ils acceptent, ordonne-leur de faire la prière. Mais le prophète ne lui a pas dit ordonne-leur de faire le lavage rituel, le lavage, pardon, des grandes ablutions. Donc l'obligation, mes frères, n'est pas en réalité, et l'avis le plus prépondérant, c'est que celui qui rentre dans l'islam, eh bien, il n'est pas obligé de faire les grandes ablutions, mais il est recommandé pour lui de les faire. Puis il dit l'auteur rahimahullah ta'ala, wa amru man aslama an yaghtasil. Donc ça rejoint ce que nous avons dit, La preuve qu'a utilisé. Pardon, j'ai sauté un passage. قال تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله الآية أي إذا اغتسلنا وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت puis il dit l'auteur Allah le prophète صلى الله عليه وسلم a ordonné que la personne qui lave un mort se lave. C'est une chose que nous avions déjà citée et que nous avions dit qu'il n'y avait pas de preuve authentique sur le fait que la personne devait faire les grandes ablutions lorsqu'il avait un mort. Ensuite, il dit wa amru man aslama an yaghtasil. Le fait qu'il ait ordonné à la personne qui rentre dans l'islam de se laver. Donc nous avons cité le fait que la personne qui lave un mort doit faire le ghusl. Et c'est l'avis de l'auteur. Et nous avions dit précédemment qu'il n'y avait pas de preuve authentique. Je dis bien authentique puisqu'il y a des hadiths qui sont rapportés qui prouvent l'obligation à celui qui lave un mort de faire le ghusl. Il est rapporté de Ibn Umar dans Sunan de Dharqutni rahimahullah qu'il dit كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. C'est l'avis d'Ibn Umar qui dit nous lavions les morts. Parmi nous, il y avait des gens qui faisaient le ghusl et parmi nous, il y avait des gens qui ne le faisaient pas. Ce qui prouve que ceci n'est pas obligatoire. ثم قال رحمه الله. Ensuite là l'auteur il va passer à une autre chose qui est la manière de faire les grandes ablutions. La manière de faire les grandes ablutions al-ghusl. Il dit wa amma sifatu ghusl an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min al-janabati fa kana yaghsil farjahu awwalan. Vous avez farjahu dans le kitab? بالها ولا بالتاء المربوطة بالها يعني خطأ ضمن فكان يغسل فرجه أولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحثو الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل رجليه بمحل آخر. Donc ça c'est le hadith de Maymouna. C'est le hadith de Maymouna. Donc il dit l'auteur rahimahullah. Il dit wa amma sifatu ghusl nabi, la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le ghusl. Et ceci est important. Fa kana yaghsilu farjahu. Première chose, il lavait ses parties. Puis une fois qu'il a lavé ses parties, il faisait les ablutions complète. Puis yahthu ala ra'sihi al-ma. Puis il mettait de l'eau sur sa tête. Et jusqu'à que ses cheveux soient, trois fois il dit, jusqu'à que ses cheveux soient bien mouillés. Puis il mettait de l'eau sur tout son corps. Puis il mettait de l'eau sur tout son corps. Il dit puis il lavait ses pieds dans un autre endroit. Et ceci, bien sûr, est l'avis de... Ceci est le hadith, pardon, de Maymouna, qui est rapporté par Al-Bukhari, entre autres. Ensuite, il dit l'auteur, « وَالْفَرْضُ مِنْ هَذَا غُسْلْ جَمِيعِ الْبَدَنِ وَمَا تَحْتَ الشُّعُورِ الْخَفِيفَ وَالْكَثِيفَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. » Donc, il dit l'obligation, c'est quoi? C'est de mettre de l'eau sur tout le corps et de laver sous les poils, qu'ils soient peu ou beaucoup, c'est-à-dire la barbe, les cheveux, etc. Donc qu'est-ce que nous tirons de la parole de l'auteur? Nous tirons de la parole de l'auteur qu'il y a deux manières de faire les grandes ablutions. Il y a al-ghuslu al-kamil, il y a les ablutions grandes, complètes, qui sont comme celles que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y a le ghusl al-mujzi. Il y a les grandes ablutions qui suffisent, qui te permettent de faire la prière, qui te permettent de faire les adorations. Al-mujzi, celui qui suffit. Donc, quels sont-ils ? Al-ghusl al-mujzi, on va commencer par celui-là parce que c'est le plus rapide. Al-ghusl al-mujzi, c'est que tu mettes, comme dit l'auteur, de l'eau sur tout ton corps. Dans les cheveux, partout, dans le corps, avec l'intention de faire le ghusl. Et à ce moment-là, tu peux faire la prière directement. Allah Azza wa Jalla a dit: "Wa in kuntum junuban fattaharu." Allah a dit: si vous êtes en état d'impureté majeure, purifiez-vous. C'est-à-dire, fattaharu, mettez de l'eau sur tout votre corps. Mettez de l'eau sur tout votre corps. Certains savants, ceux qui ont considéré que le nez et la bouche étaient obligatoires dans les ablutions, ils ont rajouté le nez et la bouche. Mais nous avions cité précédemment que ce n'était pas l'avis que nous avions pris. Et que nous avions dit que le nez et la bouche n'étaient pas obligatoires dans les ablutions. Donc, la personne lui suffit de quoi ? De mettre, de mouiller son corps bien, entièrement, avec l'intention de faire Al-Rusl, et ensuite, son Rusl, il est bon. Et ceci par rapport au verset, فَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَاتَّهَرُوا. Et si vous étiez en état d'impureté majeure, purifiez-vous. En ce qui concerne le lavage complet, Al-Rusl al-Kamil, le Rusl qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y a en cela deux hadiths. Il y a le hadith de Maymouna, que l'auteur cite ici, et il y a le hadith de Aïcha. Et les deux hadiths, si mes souvenirs sont bons, sont dans les deux recueils authentiques. Donc, le lavage majeur complet, comme celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, premièrement, il faut que la personne mette l'intention de faire le lavage majeur, c'est-à-dire de lever l'impureté majeure, et ceci comme dans celui qui l'a précédé. Deuxième chose, il faut qu'il lave ses mains trois fois. Tayyib, comme il a été rapporté dans le hadith de Aïcha. Ensuite, qu'il lave ses parties. Il est rapporté dans les deux recueils authentiques, hadith de Aïcha que je cite. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam إذا غسل أو اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ يمينه على شماله فيغسل فرجه. Donc il lavait ensuite ses parties, عليه الصلاة والسلام. Donc la première chose que tu fais, tu laves tes mains trois fois. Ensuite tu laves tes parties. Ensuite, une fois qu'il a lavé ses parties, يغسل يداه بعد ذلك بمنظف. C'est-à-dire qu'il lave ses mains avec quelque chose, comme du savon ou etc. Car il est rapporté dans les deux recueils authentiques. فيغسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة. Il a pris comme s'il prenait de la terre. Il a tapé sa main sur le sol ou sur le mur trois fois. Pour que l'impact de l'impureté, elle ne reste pas dans ses mains. Nous, alhamdoulilah, il y a du savon, etc. Les gens, ils se lavent. Quatrième chose, يَتَوَضَّ وُضُوَهُ كَامِلًا. Il fait les ablutions complètes. Comme il a été rapporté dans le hadith de Aïcha dans Sahih Muslim, وَتَوَضَّ وُضُوَهُ لِلصَّلَاةِ. C'est-à-dire qu'il a fait les ablutions complètes. Il a fait les ablutions complètes. Et les ablutions dans Al-Ghusl, est-ce que c'est une obligation ? Les ablutions dans le lavage majeur, C'est une sunna bi ijma'il ulama. Il y a le consensus que les ablutions sont une sunna. Beaucoup de gens croient que les ablutions sont une condition dans le lavage majeur. Ce n'est pas le cas. Et il y a une autre chose que nous devons citer par rapport au hadith de Aïcha et le hadith de Maïmouna. Dans le hadith de Maïmouna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lavé ses pieds après avoir fini le lavage. Et dans le hadith de Aïcha, il a fait ses ablutions complètes. Comme s'il allait prier. C'est-à-dire qu'il a lavé ses pieds. Vous comprenez? Donc le plus solide, c'est de faire ses ablutions complètes. C'est de faire ses ablutions complètes. Et le prophète dans le hadith de Maïmouna, il est bien stipulé, même Ibn Hajar en fait allusion, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans un endroit où ses pieds se sont salis. Alors il a préféré laver ses pieds après, vous comprenez? Donc, et Aïcha, lorsqu'elle parle dans son hadith, elle parle de façon à faire comprendre que c'était la manière du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il faisait tout le temps. C'est-à-dire qu'il faisait ses ablutions complètes avant de faire le lavage. ثم يحثو على رأسه الماء. Puis il prenait de l'eau dans ses mains et il mettait sur sa tête. Alayhi salatu wa salam. ويستحب التخليل. Et il est recommandé de frictionner les poils de la barbe et de la tête. Comme il a été rapporté dans le hadith de Aïcha. Où elle dit ثم يأخذ الماء. فيدخل أصابعه في أصول شعره. Elle dit, puis il prenait de l'eau et il faisait rentrer l'eau dans la base de ses cheveux. C'est-à-dire qu'il frictionnait ses cheveux. Alayhi salatu wassalam. Et il est recommandé aussi, mes très chers frères, de commencer toujours par le côté droit de la tête. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait commencer toujours par la droite. Elle dit, il est rapporté dans les deux recueils authentiques, كَانَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَلَابِ فَأَخَذَ بِهِ فَيَبْدَأُ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ. Elle dit que lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم faisait ses grandes ablutions, il demandait de l'eau, il le prenait et il commençait par le côté droit de sa tête, puis le côté gauche. Comme ça. Il y a d'autres versions où il dit la tête directement entière. Puis ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, lorsqu'il a bien lavé sa tête, eh bien, il met de l'eau partout sur son corps. Il met de l'eau partout sur son corps, comme cela a été rapporté dans les deux hadiths. Que ce soit le hadith de Aïcha ou de Maïmouna. يُعَمِّمُ جَسَدَهُ أَوْ سَائِرْ جَسَدِهِ بِالْمَاءِ. C'est-à-dire qu'il met de l'eau partout sur son corps. Et ce qui est apparent de la parole de Aïcha et de Maïmouna dans le hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait ça trois fois pour le corps. Puisqu'il a bien différencié entre la tête, où elle cite explicitement trois fois, et entre le corps, où elle ne cite rien du tout. Elle, quand je dis elle, c'est les deux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle ne cite pas qu'il a recommencé le mouvement trois fois sur le corps. Mais elle cite simplement qu'il a mis de l'eau partout sur son corps. Ce qui nous fait comprendre clairement que la tête doit être lavée trois fois, mais le corps, il suffit de l'asperger complètement d'eau. Et cela suffit pour dire que la personne a fait ses ablutions complètes. Je parle des grandes ablutions. Donc la personne, une fois qu'il a fait ses grandes ablutions, eh bien, il peut prier directement. Que ce soit les ablutions complètes ou les ablutions qui suffisent. Il peut prier directement. Donc voilà, Inch'Allah Ta'ala, en gros, quels sont les points essentiels à citer dans le lavage les grandes ablutions et ce qui annule les grandes ablutions, comme nous l'avons cité précédemment. Wallahu a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.